Mercredi, à Assemblage Requis, on reçoit Simon Fitzbay pour sa chronique sur les mythes du rock'n'roll, Paul is Dead. Aussi, Mathieu va nous parler de gadgets dans sa chronique CNX. Tout ça et nos magnifiques talents d'improvisateurs à Assemblage Requis, mercredi, 15h. Yeah, right!